Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Joe Brami. Salut Joe, comment tu vas? Hello, bah écoute, très bien, tout va bien et j'espère que tu vas bien aussi, les gens qui nous écoutent aussi. Bon, ça va, j'espère que les auditeurs vont bien également. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Bon, le plaisir est partagé. Et justement, au cours de ta longue carrière de scène, parce que ça fait pas mal d'années que tu fais ça. Non, vraiment, je veux dire, ça doit faire quoi? Ça doit bien faire 10 ans ou un peu plus, non? Oui, ça fait, bah, on va dire professionnellement, on va dire oui, ça fait 12 ans. Après, voilà, je viens du théâtre et du coup, bah, j'ai le stand-up, on va dire, c'est tout récent. D'accord. Mais bon, j'ai quand même raison de parler d'une longue carrière sur scène, en tout cas. Oui, ça fait longtemps. Oui, même, voilà. Même dans ces cas-là, sur scène, ça fait très longtemps parce que j'ai commencé par la danse hip-hop à 15 ans. Donc, voilà. Ah oui, bah, de toute façon, galère d'humoriste, c'est tout ce qui concerne la scène. donc vraiment, je pense que tu dois avoir de belles pépites que tu as vécues pendant ces années à partager avec nous. Quoi. Oui, carrément. Je commence cash, je vais vous raconter des anecdotes. Galère de spectacle, du coup, c'est vraiment le bon mot parce que c'est vrai que ce métier te demande des fois pas mal de sacrifices. Et du coup, quand tu fais pas mal de sacrifices, bah, c'est forcément que tu n'as pas forcément tous les atouts pour faire les choses bien. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une coloc avec mes potes d'enfance. Et c'est vrai que les premiers temps, bah, on a vécu de septembre à avril sans eau chaude. Donc, du coup, c'était très, très sympa. On casserole, mais on avait les plaques. Tu sais, les plaques à deux, là. Tu sais, les trucs à plaques à deux. Et on avait vraiment qu'une. Et on avait une sur deux qui marchait. D'accord. Donc, voilà. Donc un jour, on n'avait pas trop de thunes en fait, on venait de débarquer, on venait de débarquer, moi mes potes avaient cet appart, mais comme c'est des danseurs et qui tournaient de partout à l'époque et ils y étaient pas beaucoup, et j'étais avec un autre pote à moi, danseur, qui lui dansait plus à Paris. Et on était voilà, au chaud, bon il y en a un qui se lavait le matin, l'autre qui se lavait le soir, parce que sinon c'est 3 heures d'attente entre la casserole qui chauffe dans le seau. Et le truc, mais aujourd'hui, c'est des super souvenirs, mais c'est vrai que ça nous a à l'époque. Moi, ça m'avait fait louper une pub parce que j'avais été pris pour une pub, j'avais été pris sur photo. Et à l'époque, je répétais une pièce que j'ai jouée longtemps et je répétais, c'était les premiers temps où j'étais à Paris. Et du coup, je répétais de 9h, on va dire, jusqu'à 13h et de 14h à 18h. Et à 18h, je jouais au Théâtre d'Edgar et en fait, je jouais donc 20h et 21h30. Et deux pièces que j'ai eu la chance d'être pris direct en arrivant à Paris, j'étais assez content, mais voilà, ça, à l'époque, on touchait 10 euros de la représentation, un truc comme ça. Ah bah quand on commence, on est content de prendre n'importe quoi. Ah oui, vraiment, c'était cool même. Et du coup, j'étais fatigué, mais le matin, du coup, je me réveillais toujours une heure avant pour chauffer la casserole, la mettre dans le seau, rechauffer une casserole, la remettre dans le seau, et rajouter un peu d'eau froide et me doucher. Sauf qu'un jour, j'ai fait chauffer la casserole, et comme je répétais beaucoup et qu'il fallait que je me parte le matin très très tôt, vers 6h du matin, ben, j'ai allumé la casserole, sauf que je me suis réveillé, ben, il était 11h, et j'avais loupé mon avion pour aller à Fribourg, ou je ne sais plus c'était où, pour une pub. Ouais, du coup, l'agence n'a vraiment pas apprécié. D'accord. C'était comme ça, tant pis. Et du coup, bah déjà, voilà, à cause de cette eau chaude, déjà, j'ai loupé une belle pub qui était bien payée à l'époque. Ça m'aurait bien aidé à l'époque. J'aurais pu acheter une gazinière plus grande pour pouvoir. Ouais, ou un chauffe-eau. Bah, le chauffe-eau, il marchait. C'est juste qu'on avait un problème et que moi, j'étais à l'époque en sous-location. Donc, je ne pouvais pas aller voir le propriétaire et dire bonjour. Le chaud, ça va pas là. Ben, vous êtes qui? Ben, je suis l'ami de votre locataire. Ben, ça se fait pas de faire ça. Et en plus, la personne avait Alzheimer. Elle avait 95 ans, donc t'allais le voir, t'avais beau aller lui dire, enfin, du coup, il fallait appeler son fils, mais pour son fils, il fallait appeler, si t'appelles son fils, bah, je peux pas me permettre, et comme mes potes voyageaient beaucoup, bah, voilà. Ils pouvaient pas se permettre de, enfin voilà, ils étaient pas là souvent là, et dès qu'ils étaient là, ils venaient, ils en parlaient, puis ils repartaient, mais ils avaient oublié, enfin, du coup, ils ont appelé le fils, et ils ont dit, là, faut vraiment faire quelque chose, parce qu'on en peut plus, et voilà. Comme quoi, quand t'avais rendez-vous à l'époque avec Joe Brami et qu'il arrivait propre, c'était vraiment un effort de ouf. Si tu veux, fallait vraiment l'apprécier. Ouais. Fallait l'apprécier, ce truc-là. Genre, vraiment, Joe, je te remercie. Ça me va droit au cœur. Je sais, je suis au courant pour l'histoire des casseroles et je te remercie, quoi. Et donc, cette galère de l'eau, elle a pu se débloquer grâce à une pub que t'as pas ratée ou Non. En fait, un jour, ils se sont... Enfin, mes potes sont rentrés de tournée et puis... sont restés plus longtemps qu'un week-end et du coup ils ont pu s'en occuper, aller voir le fils et ça s'est arrangé mais au mois d'avril quoi, et on avait fait septembre à avril sans eau chaude quoi, donc c'était sympa. Ah, c'est les galères des débuts, ça. Mais après, ouais. Quelque part aujourd'hui, chaque fois que tu prends ta douche dans une vraie baignoire avec une vraie. Ah ouais. Tu vois, genre... Je ne prends pas de bain, parce que je ne veux pas non plus exagérer. Mais non, c'est sûr, mais je suis sûr que quand tu ouvres l'eau, tu dis ça, je l'ai mérité, ça. Bien sûr. Et puis, c'est surtout une belle anecdote avec mes potes. On rigole beaucoup de cette époque-là, parce que ça nous a fait vivre des moments d'énervement ou de râler. Lève-toi, tu dois chauffer la casserole. Enfin, c'était drôle. J'ai connu un peu ça et ouais, c'est marrant. C'est au Maroc, moi, surtout que j'ai connu ça. Quand tu vas chez des gens qui n'ont pas de chauffe-eau, et bien sûr, je me moque pas, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Eux, ils ont l'habitude, tu vois. Et tu vois, dans ma belle famille, maintenant, on a l'eau chaude, mais à l'époque, on avait l'eau courante venait d'arriver, quoi. Donc, l'eau chaude, c'était utopique. Tu vois, donc on chauffait, pareil, grosse casserole, on mettait ça, une casserole d'eau bouillante dans un seau. Et oui, voilà, dans un seau, tu rajoutes l'eau froide. Et tu après, rajoutes l'eau froide. Capsule, tu peux te rincer comme ça, tu te savonnes. Et puis... Mais en vrai, après, quand tu es habitué, franchement, ça me dérangeait plus trop. En fait, ce qui nous a un peu sauvés, c'est que, on va dire, vers. Ça s'est arrivé en septembre-octobre, on va dire que vers janvier-février, on a investi dans une gazinière avec quatre. Donc on pouvait faire chauffer. Trois casseroles en même temps, tu vois. Ah, donc là, on était heureux. Là, je peux te dire que là, au bout de 10 minutes, c'était chaud, on mettait dans le seau, boum, ça prenait 20 minutes et du coup, ça allait mieux. Mais avant, quand il y en avait qu'un qui marchait et que tu n'avais qu'une casserole normale de pâte, on va dire, là, c'était l'enfer. Ouais, là, c'était l'enfer. D'accord. Ouais, donc vous êtes passé d'une galère normale à une galère un peu premium, quoi. Exactement. Ouais, on était limite, on se dit, ouais, franchement, bien. Bien, la nouvelle on sent bourgeoise. Calmons-nous. Ah, mais franchement, c'est le genre d'anecdote qui fait que tu peux pas prendre la grosse tête ou quoi parce que tu sais d'où tu viens au final. Ah oui, oui. Bah, en plus, et puis moi je viens d'une famille très financièrement moyenne, donc j'ai jamais connu le luxe, donc je ne pourrais jamais. Donc si un jour ça devait m'arriver, je sais que pour le coup, je sais d'où je viens et d'où on vient, j'ai envie de dire. Mmh. Donc le succès ne me fait pas peur pour ce côté-là, parce que je sais que j'essaierai de rester. Puis j'ai la chance d'avoir des amis depuis que j'ai 12, les mêmes depuis que j'ai entre 6 et 12 ans. Et du coup, c'est ces gens-là, ça m'est arrivé plein de fois de faire soit d'aller jouer quelque part ou de jouer un truc ou de faire une émission. Et puis derrière, tu fais un skate, tu fais un truc et ils t'appellent, ils disent, mec, c'est quoi ce truc? C'était nul. Et ils te remettent à ta place. Ils y vont pas parler, tu vois, ils y vont direct. Et moi, j'ai grandi comme ça. Donc, aujourd'hui, j'aime bien qu'on me dise franchement les choses. Je préfère qu'on me dise c'est pas bon parce qu'il y a ça, ça, ça, que t'es génial et que dans ma tête, je pense que c'est pas bon, tu vois. Mmh. Ouais, non, c'est sûr, il vaut mieux des retours sincères et heureusement, exactement. On a nos amis. Le problème, c'est que les amis, des fois, même quand c'est bon, ils sont trop durs avec nous, mais il vaut mieux ça que l'inverse, mais, quoi, c'est sûr. Je préfère qu'ils soient trop durs parce que je sais qu'après, c'est aussi ton travail. Toi, tes amis ne font pas ce métier. Toi, tu le fais. Donc, du coup, tu as ton travail, ton expérience. Et ton expérience doit te permettre de jauger si c'est une critique positive qui va te faire progresser ou si c'est quelque chose parce qu'il te connaît, lui, parfaitement. Et du coup, oui, tu te dis, oui, mais ça, il dit ça parce qu'il me connaît. Mais les gens qui me voient ou qui ça, ils ne me connaissent pas. Donc, peut-être que ça marchera ou peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être qu'il a raison. Mais en tout cas, après, c'est une balance à faire entre l'ami et le retour, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. De toute façon, tu vois, moi ça fait que 8 ans que je fais ça. Mais je sais que quand je monte sur scène maintenant, j'ai d'abord un premier retour de moi-même. Je sais reconnaître quand je me suis planté, quand je n'ai pas délivré la bonne performance ou quoi. Mmh. Et après, il y a le retour des gens. Et des fois, c'est vrai qu'on sait, on a déjà une petite jauge dans la tête et on sait quand les gens te disent que ça a cartonné alors que toi, tu sais que ce n'était pas bon. Du coup, tu les remercies, mais tu sais que tu dois retravailler et tout. Et dans l'autre sens, des fois, quand tu sais que ça a cartonné et que les gens viennent te voir et te disent « Oh non, franchement, ça, je le changerai à votre place et tout, machin. » Là, tu sais que tu dis merci poliment et puis hop, ça te passe par-dessus la tête. C'est normal. Une critique, d'où elle vienne, une critique doit forcément être constructive, elle ne doit pas être là juste pour dire c'est pas bien, c'est pas ou machin. Et puis surtout, la critique aussi, elle est intéressante quand elle est répétée. C'est-à-dire que si deux, trois personnes te disent la même chose, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Mm-hmm. Si tu as une personne et tu en as neuf qui te disent le contraire, tu suis les neuf qui vont te dire ah, non, ben voilà. C'est ça. C'est, la critique, elle est vaste et c'est intéressant de l'analyser. Et c'est pour ça qu'elle est importante, surtout. Bah, j'avoue que si un jour, tu vois des gens débarquer à ton spectacle et tu vois genre plus de 10 spectateurs arriver avec une casserole à la main, là, tu sauras que... Tu sauras que tu as réussi et qu'ils te disent redescends un peu, tu vois. Oui, c'est clair. Sinon, on va te couper l'eau. je suis sûr que le jour où l'eau se coupe, tu sais, genre accidentellement, ou genre il y a des travaux ou quoi. Ah, c'est un traumatisme. Voilà, tu vas dire punaise, ça recommence quoi. Non, pas ça. C'est des cauchemars, non. Non, mais c'est cool, c'était marrant. Et c'est, en plus, c'est pas grand-chose au final, hein. C'est rien. C'est non, franchement, ça va déjà avoir, mais avoir l'accès à l'eau courante. Hein. Moi, je te dis, dans ma belle famille au Maroc, on est dans la campagne de Marrakech, et l'eau courante est arrivée genre en 2005 ou 2006, peut-être, je sais pas. Déjà, avoir l'eau courante, c'est un confort qu'on peut pas imaginer. On peut pas imaginer ce que c'est de pas l'avoir, en fait. Parce que malheureusement, heureusement, nous on l'a pas vécu. On a toujours connu. Donc, du coup, on sait pas ce que ça fait. Voilà, nous on l'a pas vécu. Moi, j'ai juste vu ce. Enfin, je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai vu comment ils faisaient avant. Bah, quand je me suis marié au départ, j'ai vu que, tu vois, genre qu'ils partaient avec un âne et des grosses, comment dire, des grosses amphores et tout pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Et ils remplissaient des espèces de cruches, de grosses cruches, tu vois, pour remplir d'eau, quoi. Et ils arrivaient à la maison et puis vraiment, c'était. Tu sais, t'avais soif, voilà, quoi. Genre, c'était l'eau, c'était surtout pour boire, quoi. Parce qu'il y avait pas de. Voilà, c'était. Pas du luxe, tu vois, tu pouvais pas faire ce que tu voulais, donc l'eau là, tu prenais pas une douche par jour, genre deux douches par jour ou quoi, tu vois, c'était pas, il y avait pas de gaspillage, quoi. Et aujourd'hui, l'eau courante, hein, donc vraiment, c'est moi, je dis voilà, l'eau courante et l'électricité, c'est vraiment on se rend pas compte, on se rend pas compte de la chance qu'on a, quoi. Et du coup, niveau électricité, fallait pédaler longtemps ou c'était courant? Non, ça, l'électricité, ça va, il y avait des petits travaux à faire, on avait pas mal de rallonges, je me rappelle qu'on avait pas mal de rallonges parce que je sais qu'il y a des prises qui ne marchaient pas et d'autres qui marchaient, donc on avait des petites rallonges qui passaient par sous le tapis, t'inquiète, hop, petite galère, hop, on arrive à trouver une solution. Ouais, je me rappelle qu'on avait pas mal de rallonges, surtout dans la cuisine. Franchement, si j'étais électricien, je serais venu chez moi, je serais venu dans l'appart, je me serais dit, oulala, ça sent la merde ici, là, il faut faire des travaux, et là, bah là depuis, je sais que l'appartement, mes potes sont partis depuis quelques temps, depuis pas mal de temps maintenant, et l'appart a été refait à neuf à l'époque parce qu'on avait un pote, un voisin qui était devenu un pote et qui nous a fait longtemps. Quand on est parti, on avait gardé un peu contact avec lui, qui nous a dit ouais, maintenant c'est nickel, enfin, tout est refait à neuf, tout est nickel. Et j'ai dit bah, fallait qu'on parte pour qu'il fasse ça. C'est ça le truc. Je sais pas comment je l'aurais pris à votre place. Ah bah non, bon après on comprend aussi, on payait vraiment pour le coup, on avait un loyer. Jamel avait trouvé un appartement vraiment sympa. Déjà, l'appart était sympa, même s'il y avait des petits trucs à faire, il était quand même cool. On avait une chambre, on était quatre, on avait une chambre et un salon. Donc, le duo de danseurs, c'est mes amis d'enfance, c'est comme mes frères. J'ai grandi avec eux depuis l'âge de 12 ans. Donc, je dormais avec Osni, qui est mon meilleur ami, et Jamel dormait avec Johan dans la chambre. Voilà. J'avoue que là, ça fait un peu esprit colo, quoi. Tu vois, t'es en colo avec tes potes. Ouais, ça fait colo, mais c'est voilà. Non, colo, c'est genre. Non, non, pas colo, genre colo, colonie, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais bon, moi, j'étais en vacances, enfin en vacances, non, parce que je travaillais, qu'on faisait chacun notre métier, mais j'étais vraiment à la maison avec mes frères, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a tout le truc, il y a tout ce et quand je dis frère, c'est dans tout le sens du terme, c'est-à-dire qu'on. On peut se dire tout, on peut s'engueuler, se chamailler, se rigoler, taper des barres. Donc, c'est vraiment une vie de famille. Donc, et ça, pour le coup, Jamel, ça a toujours été un peu le grand frère d'Osni, qui est aussi, enfin, Osni qui est mon meilleur ami. Et son frère, ça a toujours été le leader et le, si tu veux, celui qui comment expliquer, je n'arrive pas à expliquer trop ça. C'est lui qui m'a mis la première fois le pied à la danse. Si j'étais arrivé à Paris, que j'aurais pas pu aller à Paris prendre un loyer. Enfin, tu vois, j'aurais pas même une coloc, ça aurait été trop compliqué. C'était un peu le moteur de votre groupe, quoi. Le moteur du groupe et le moteur artistique. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté la danse, tu vois. Je ne faisais plus de danse. Eux dansaient toujours et tout ça. Donc, mais le fait qu'il ait un appart à Paris, le fait que moi, je commence la danse avec lui, qu'ensuite j'arrête, mais qu'en plus, c'est un des gars qui m'a dit un jour qu'il me voyait faire le con dans la salle de danse. Et souvent, il me disait, Joe, arrête, faut qu'on se concentre, machin. Il était sérieux. Et puis, il y a des fois où il me laissait faire. Et un jour, il m'a dit, mec, tu devrais faire du théâtre et tout. Tu devrais te lancer là-dedans parce qu'on a toujours l'impression que tu as besoin de ça. Donc, du coup, mais moi, à l'époque, pour moi, le théâtre, c'était du Roméo et Juliette et tout. C'était un peu. Je venais du hip-hop. Tu vois, j'avais 16 ans, 17 ans. Et j'étais un peu con. Pour moi, c'était le hip-hop, c'était street et c'était cool. Et le théâtre, c'était pourri, quoi. Et en fait, au final, mais aujourd'hui, Roméo et Juliette, c'est une de mes meilleures pièces. C'est une pièce que j'adorerais jouer, surtout le rôle de Mercutio. Et en fait, si tu veux, mais on change, évidemment, on évolue. Et lui, il a toujours été un peu ce mec qui t'ouvre le chemin. Voilà, à Paris, je n'aurais pas pu venir tout de suite. J'aurais dû attendre, j'aurais dû gagner ma vie pour partir. Je serais peut-être parti beaucoup plus tard. Ou j'aurais dû bosser à côté. Le fait qu'il nous demande. Au début, on ne payait même pas de loyer, pour te dire. Tu vois, et c'est ensuite où vraiment tu te dis non, mais il faut qu'on te donne. Moi, je gagne un peu maintenant. Je suis intermittent, voilà, je peux te donner un peu. Et il nous faisait payer quoi, 200 balles à chacun, donc c'était que dalle. Et aujourd'hui, si on n'avait pas eu lui, bah, peut-être qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à faire des choses. Donc, c'est tout ça, quoi. D'accord. Non, mais c'est bien d'avoir eu un peu un presque un mentor finalement. Ouais, mentor, grand frère, c'est un peu, il a joué tous les rôles un peu. C'est sa chorégraphe, metteur en scène sur plein de choses. Non, non, il a toujours été un pilier dans cette direction artistique, quoi. D'accord. Et j'imagine du coup qu'après, pendant tes premières scènes, il venait pour te dire que tu avais fait le bon choix et tout. Bon, il n'était pas. Non, Jamel, ce qui est c'est intéressant, c'est que lui, c'est un danseur et il ne va pas te faire chier sur le théâtre ou il ne va pas te dire. Parce que sous prétexte qu'il ne connaît pas, même s'il connaît beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire, il a cette humilité. Qui... Mmh. Et en fait, et c'est là où je trouve qu'il, qu'il est assez incroyable, c'est qu'au lieu de me dire, plutôt à me dire, viens avec nous faire des choses de théâtre avec du hip-hop. C'était toujours ce truc-là. Et on a fait un spectacle avant que je me lance complètement, que je parte à Paris, dans le Sud. On avait fait un spectacle où on mélangeait le théâtre et le hip-hop. Et on avait projet de monter Roméo et Juliette en théâtre, hip-hop et scream. Et on avait commencé à faire. J'avais suivi un stage de Comédia dell'Arte. J'avais une compagnie qui faisait de la Comédia. Donc on voulait un peu mélanger les genres. Et en fait, on avait monté le dossier. C'était en 2009. Et la crise avait déjà un an. Et les subventions, si tu veux, nous, on avait des compagnies, on était beaucoup subventionnés. C'était aussi pour mon départ à Paris, était aussi pour ça, parce qu'on était beaucoup subventionnés, on avait beaucoup de subventions de l'État ou de la mairie ou des villes qui nous cadraient. Et en fait, avec la crise, tu passes de 50 000 euros pour la compagnie à faire des forums, à faire plein de trucs de spectacles, de choses subventionnées, à 8 000 balles, 3 000 balles, 4 000 balles. Donc, tu ne peux plus tenir une compagnie, tu peux avoir que deux comédiens qui jouent. Tu vois, donc en fait, on montait un dossier pour avoir à peu près 30 ou 40 000 euros et pour créer ce spectacle, prendre les gens à disposition. J'avais des danseurs, des acrobates, j'avais des trucs, donc des comédiens. Donc on était 9-10 sur scène, j'avais besoin de décors, que ça soit crédible, qu'il y ait vraiment un beau truc, quoi. Et puis je sais que ça aurait marché et que ça aurait tourné partout. Tu peux aller dans les lycées, les collèges, les gros théâtres, les machins, tu peux jouer partout parce que c'est ludique. Tu apprends, tu as du hip-hop, les jeunes ils kiffent. Pour les gens qui théâtrales, tu as du théâtre, tu as de la danse, tu as de l'escrime, tu as des trucs. Il y avait un maître d'armes qui faisait les combats. Enfin, c'était assez cool. Et en fait, on a dû mettre de côté parce qu'on n'a pas eu la subvention et on l'a mis de côté, quoi. Et c'est surtout un gars qui aime bien faire ça, mélanger les genres. Et même s'ils ont leur truc hip-hop, ils ont un duo avec son frère qui est incroyable. Qui s'appelle, leur compagnie s'appelle Parallèle. Et puis. Ils font ça s'appelle Face à Face, et c'est incroyable, ils sont à deux, enfin, c'est toute une histoire, c'est poétique, c'est beaucoup c'est poétique, tu regardes ça, t'es ému, tu rigoles, c'est techniquement, c'est super fort, enfin voilà, je conseille à ceux qui nous écoutent, si un jour ils croisent le chemin de la compagnie Parallèle. D'accord, ben écoute, avec grand plaisir. Et donc toi, alors tes débuts, il y a eu peut-être des anecdotes, tu vois, ce qui revient le plus, évidemment, je pense que tu t'en doutes, ce sont les bides. Oh là là, de toute façon, on ne peut pas avoir du succès sans passer par du bide, pour moi ça n'existe pas. Absolument. Ça n'existe pas, c'est comme ça qu'on construit le bon, parce qu'on va dans le mal et qu'on se rend compte du mal et qu'après, évidemment, plus t'évolues, moins t'es censé prendre de bide, c'est pas un problème. Mais avant de pas d'arriver, il faut une mécanique, et cette mécanique, elle doit s'apprendre par la galère, tu vois. Et voilà. Et après, il y a des gens qui vont te dire non, on peut être le succès. J'ai entendu Mbappé parler, c'est quand même une source d'inspiration quand un mec comme ça à 22 ans et à ce niveau-là, tu te dis que c'est quand même écouter ce qu'il dit. Mais lui, j'ai entendu qu'il disait que c'est pas vrai, on n'est pas obligé d'aller par l'échec pour réussir. Après, on parle avec quelqu'un qui a baigné, qui est né dans le football. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il n'a pas conscience des échecs qu'il a vécu. Peut-être que toi, les échecs que toi tu vis à 17-18 ans, lui, il les avait déjà vécu à 6-7-8 ans. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a un passif. Oui, on ne sait pas. Mais le moindre échec, il a déjà perdu un match, il a déjà perdu une compétition. C'est là-dedans que tu t'apprends que tu ne dois pas, que tu dois être meilleur et que ça doit s'améliorer, que tu peux être meilleur. Mais tu passes forcément par l'échec. C'est Wawrinka qui a tatoué ça sur son bras, qu'on passe forcément. Il y a toute une analyse là, une analyse. Je ne sais plus exactement la phrase, mais tu passes forcément par l'échec pour y arriver. Et moi, ça, j'en suis convaincu. Donc, les bides, c'est rien. C'est plutôt cool. Et j'en ai pris, mais évidemment, j'en ai pris. Et j'en ai un qui m'a marqué toute ma vie, qui me marque encore. C'est que je faisais un spectacle. C'était avant de partir à Paris. Je jouais mon spectacle. Et à l'époque, je me rappelle. Je travaillais pour une compagnie, je donnais des cours, je faisais les inscriptions, le ménage, je faisais un peu tout, et je produisais mon petit spectacle dans le sud, et du coup, de temps en temps, il me disait, tiens, t'as une petite date là, une petite date là, je devais gagner des fois 100 balles par un spectacle déclaré, donc au final, il reste pas grand-chose, mais c'était pas grave, c'était déjà super cool, et de temps en temps, tu vois, et un jour, j'ai été pris dans un centre de vacances, mais en avril. Pourquoi le mot avril est important dans cette histoire? C'est que centre de vacances, normalement, c'est cool. Au centre de vacances, c'est l'été, tu as du monde, tu as des gosses, tu as des familles, tu t'amuses, tu as des spectacles et tout. Là, tu es en avril. Donc, il n'y a que les retraités. Il n'y avait que des retraités. Et je pense que le plus jeune de la salle avait peut-être 65 ans. Mais vraiment, je te promets. Hein, une salle de 150 places et je joue. Et il y a mon frère à l'époque qui m'aidait derrière dans les coulisses que je faisais des sketchs. C'était vraiment. C'était, je te raconte ça, on est en 2005. Peut-être 2005, ouais. Tu vois, donc on est encore dans la mouvance sketch, noir sketch, noir sketch. Et moi, à l'époque, je parle de la PlayStation, je fais un gourou sur scène qui fait monter quelqu'un au public, je parle du hip-hop, je fais un sketch sur le casting, sur la danse, rencontre avec une fille. Donc je t'avoue qu'en face de moi, c'est 65 ans minimum. Ouais, ça leur parle pas du tout, quoi. Mais tous les noirs, mais pas, c'est pas que ça leur parle pas, c'est que j'en ai qui dorment devant, des gens qui bavent, qui dorment. Mais vraiment, j'ai des gens qui dorment. Et dans le fond, j'entends des fois, on n'entend pas, machin. Et je voyais les gens partir. Mais tu sais, tu as 150 places, tu as 150 personnes. Et au fur et à mesure du spectacle, ça s'en va et ça part. Comme tu as un noir et que ça rallume au bout, tu changes de costume, tu changes de veste, tu changes de chapeau, de machin. Tu as un noir, ça se rallume. Tu as un noir, ça se rallume. Donc, tu as un noir, ça se rallume et hop. T'as 20 personnes en moins. T'as un noir, t'as 10 personnes en moins. Ils profitaient de l'obscurité pour se barrer. Oh là, les bâtards. Et tous les noirs, j'allais voir mon frère. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais pourquoi? J'ai dit oui. Oh là là, j'étais dégoûté. Je voulais arrêter ce métier. Ça faisait 2 mois que je le faisais, mais j'avais envie d'arrêter déjà. Mais je dis, non, mais c'est bon. Et en fait, après, voilà, c'était drôle. C'est devenu un bon souvenir, mais c'était un beau bide. Un beau bide. Ouais, ben après, la bonne nouvelle, les bides sont inévitable. La bonne nouvelle, c'est que on a juste besoin de se relever de ça et de retenter encore et encore. Je pense que c'est le travail avant tout. C'est-à-dire qu'un bide n'est jamais anodin. Tu prends un bide, alors et on pourra toujours trouver 500 000 excuses autour d'un bide. Toujours. Le public n'était pas chaud, ça. Mais après, il y a aussi la réalité. Moi, ce que j'aime bien, c'est filmer. Généralement, que je fasse un plateau, que je fasse un spectacle, que je fasse un truc, j'essaye de filmer à chaque fois. Parce qu'au moins, quand tu filmes, tu te rends plus compte de... Déjà, ta caméra, elle est côté public. C'est hyper important. Moi, ce que j'aime, c'est filmer dans le public. Je mets ça sur le... Si tu vois, le Café Oscar, quand je vais là-bas, on met ça sur le bar. Quand tu vas au fridge, tu demandes au régisseur de le mettre sur sa petite table. Déjà, tu es dans la salle avec ta caméra. Toi, tu es sur scène. Les gens qui se mettent sur scène, qui mettent leur caméra ou qui mettent leur microphone sur scène, mais je suis un peu... Tu vois ce que je veux dire? J'ai besoin d'être vraiment à la distance pour comprendre, pour voir. Et j'aime bien voir aussi, analyser la gestuelle, le regard. C'est simple. Des fois, j'ai des potes qui ont joué et ils m'ont dit « t'étais là, c'était pas la meilleure, fais chier, le public était pas au pire, on a fait 40, ce soir, il était 20. » Le public, déjà, il le sait pas, on sait pas. Voilà. Et souvent, déjà, toi, de base, tu rentres sur scène et déjà, tu as cette négativité de te dire « hier, ils étaient 40, ce soir, ils vont être que 20 et machin. » Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Mais évidemment que c'est dur à se dire, ils sont 20, je vais les éclater. Tu as toujours ce petit pincement qui te dit, ça cassera quand même moins bien qu'hier. Mais tu arrives avec quelque chose déjà de négatif. Et ça, je ne peux pas l'expliquer, je pense. C'est que le public le ressent, cette négativité, ce truc qui ne va pas. Donc, et je vois, et des fois, tu vois l'attitude. J'ai vu mon pote à l'époque quand il me dit, ah, fais chier. Je lui dis, mais tu te rends compte? Tu t'es tellement dit, fais chier, que quand tu jouais, tes réactions n'étaient pas les mêmes que si tu avais été de bonne humeur. Tu souris moins. T'es plus agressif sur tes impros, t'es plus si machin, donc le public rigole moins. Et c'est pas le public qui est moins bon, c'est toi qui es arrivé avec une négativité, du coup ça amène un public qui est moins bon. Donc tu dis, des excuses, des trucs, on pourra toujours en trouver 1000. Mais d'abord, c'est de se regarder, de regarder comment on fait. Chaque soir que tu joues, tu vas être différent. Il suffit que t'aies passé une mauvaise journée, que t'aies passé une bonne journée, que t'aies passé un truc, t'arrives sur scène avec une ouverture, un esprit différent. Et c'est ça, le plus dur, c'est de rentrer sur scène avec toujours cette énergie positive, ce truc qui fait que tu es en bonne condition pour que le public se réceptionne. Et après, on va rentrer dans la technique. Oui, la vanne, est-ce qu'elle n'est pas mieux? La virgule, est-ce que si tu mets un temps là, ça ne va pas mieux rire? Est-ce que cette vanne-là, elle vaut vraiment le coup? Est-ce que tu ne peux pas la changer? Mais tout ça, ça fait partie du travail. C'est de se voir, d'écrire et de retravailler. Un bide, ce n'est pas anodin. Un bide, c'est pourquoi c'est la suite logique, c'est le succès, parce que tu bosses entre les deux. Il y a le travail entre les deux. Bide, tu peux en prendre 1000 hein, de bide hein, si tu rebosses jamais tes vannes et tu dis non, si, c'est drôle. Si, c'est drôle. Bah non, mec, c'est au bout de 10 fois, si tu vois que ça marche pas, c'est que c'est pas drôle. C'est que le travail. Et le bide, c'est pas grave. Le bide n'est pas du tout grave. Moi, j'ai vu des mecs comme, je parle souvent de lui, Franjo, par exemple. Souvent, moi, je faisais pas beaucoup de plateaux. Je fais pas beaucoup de plateaux. Je vais faire beaucoup de plateaux maintenant avec le nouveau spectacle qui est plus stand-up. Mais avant, c'était une histoire, c'était un seul en scène. Donc évidemment, je faisais pas beaucoup de plateaux. Mais de temps en temps, il m'arrivait d'en faire. parce que j'arrivais à sortir 10 minutes du spectacle que je pouvais transformer pour le plateau, pour faire venir du monde. Et ben souvent, j'entendais Franjo, il y a 4-5 ans, Franjo, ouais, c'est moyen, Franjo, ouais, machin, ouais, il me fait pas rire, ouais, c'est ça, j'entendais beaucoup ça. Ce mec-là, 2 ans après, il est arrivé avec un spectacle qui cartonne, qui est complet tout le temps, il fait des vidéos qui font des millions de vues. Et comme je sais comment il est, parce que je le connais un petit peu, puis je connais surtout 2-3 potes qui le connaissent bien, donc il me se dit, mais lui, c'était un gars qui arrivait au plateau, qui parlait, bonjour, salut, il voyait, il se filmait, il rentrait chez lui, et il partait, il se regardait, il retravaillait. C'est un bosseur. Et donc, que tu n'arrives pas, tu ne peux pas arriver au succès si tu ne passes pas par beaucoup de travail. Moi, pour moi, les génies n'existent pas. Ça n'existe pas, un génie. Un génie, c'est un travail, c'est un mec qui a tellement poussé le travail que ça en devient tellement mécanique chez lui, tellement naturel chez lui que ça en devient, on dit c'est un génie. Ben non, c'est Jim Carrey, le meilleur exemple de génie pour moi. C'est un mec qui se passe tous les jours, depuis qu'il est gamin, devant la glace à faire des grimaces, à faire le con. Quand il y a des gens qui viennent chez lui, il tombe des escaliers et les gens disent ça va, il les regarde, on va regarder, il se monte, il remonte les escaliers, il refait tout au ralenti pour montrer aux gens, pour montrer la chute avec des grimaces, avec des trucs. Ça, pour moi, c'est, il a tellement fait le con toute sa vie, tellement poussé, tellement se regarder, tellement sa gestuelle, tout. Il a tellement travaillé ça, qui n'était peut-être même pas pour lui du travail à ce moment-là. C'était peut-être pour lui de l'amusement, juste, je dirais. Mais il l'a tellement fait que ça en est devenu un génie, parce qu'aujourd'hui, il sait tout faire. Il est capable de tout. Il est capable de te faire rire, de te faire pleurer, de te faire extrêmement rire, et d'un coup te mettre dans l'émotion de « je peux te faire pleurer très rapidement ». Il y a des scènes de films absurdes, des Dumb and Dumber, c'est un film très, moi, c'est un film de ma jeunesse qui me fait mourir de rire. Et quand tu regardes techniquement ce qu'est capable de faire Jim Carrey, je pense qu'il y en a plein qui sont capables de le faire, mais lui, à ce moment-là, à l'âge qu'il a, dans ce genre de film-là, ben pour moi, c'est ouf. Hein. Il te raconte une scène où il veut repartir rejoindre la fille pour rendre la manette, mais en fait, c'est qu'il tombe amoureux d'elle. Et il parle à son meilleur ami, c'est 2 losers, hein. C'est 2 losers de Bedumber. Et il lui dit, faut qu'on parte à Aspen, rendre les clés de la manette et tout. Et tu dis, ah, d'accord, tu te fous de ma gueule, tu vas aller avec elle parce qu'en fait, t'as envie qu'elle aille, t'as envie d'être amoureux. Tu veux... et là, il dit, il s'arrête, il se retourne vers lui et il dit, ouais, j'en ai marre d'être un loser. Et pendant, il fait 3-4 phrases de phrases normales mais touchantes où il dit, j'en ai marre d'être un loser. Et il a les larmes aux yeux, toi, t'es limite, tu vas pleurer. Et s'enfoirer, l'autre il dit bon ok, on va à Aspen et tout. Et là il va dans ses bras, il chiale, mais il chiale comme un Tex Avery. Il pleure, il renifle. Et si tu vois, tu imagines Tex Avery avec le, tu sais, les larmes qui partent sur les côtés comme ça. Et en 3 secondes, il te fait pleurer de rire. Et ça pour moi, et avec du il te fait pas rire avec une vanne ou avec machin, il te fait rire avec du gaguesque, un truc has-been, on va dire, on pourrait dire has-been. Mais à Tex Avery, tu vois, il te fait rire avec du clownesque, du. Et ça, c'est du génie pour moi, c'est d'arriver à faire, de passer partout. Il a tous les comics, ce mec. Il a le comique du mime, du visage, de l'humour, de la vanne, de tout. Il a tout. Oui, bien sûr. Et tout ça, c'est que du travail. Je suis totalement d'accord. Que du travail. Voilà. Bah, bider ou réussir, dans tous les cas, il faut continuer à travailler. Exactement. Et je pense que ta technique de te filmer vraiment et de regarder chaque passage, que ce soit un spectacle entier, un plateau et tout, c'est très intéressant. Et moi, je trouve qu'il y a 2 choses intéressantes à faire ça. C'est premièrement, ça va te permettre de retravailler et de voir réellement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de comprendre peut-être des choses que tu n'avais pas comprises quand tu étais sur scène. Et surtout, deuxièmement, ça peut. Alors, je sais pas si toi tu vas beaucoup dans l'impro, ouais, mais j'adore ça. L'avantage c'est que tu ne rateras rien, c'est à dire que si un jour tu fais une impro de malade, tu l'as sur bande, tu peux la mettre après sur internet. Alors ça aussi je suis un peu je fais beaucoup d'impro dans mes spectacles et je suis un peu mitigé avec cette réflexion, c'est que en fait il y a aussi une chose naturelle que sort l'impro, c'est l'instant du moment. Ça, l'instant du moment, je sais pas si on est capable de le reproduire à chaque fois. Je m'explique. C'est que quand tu vas faire une impro sur quelque chose, sur une réponse, sur un truc qui va tomber, bam, bam, tu as une rythmique. En fait, ton cerveau ne sait pas encore ce que tu vas dire, limite. Tu n'es pas en train de préparer ta réponse. Ce n'est pas quelque chose que tu as appris, que tu as travaillé. L'impro vient naturellement, si tu veux. Et ce naturel que tu vas dégager dans le regard, dans le jeu, dans ce que tu dégages aussi de ton corps, de tout ça, plus ta vanne qui vient d'arriver, plus de rebondir sur le bon moment, ça va amener un rire. Mais moi, ça m'est arrivé de faire des super impros et d'essayer de les répéter, et ça ne marche pas du tout pareil. Oui, il y a le naturel qui n'est plus là, quoi. L'impro est bâtard. Et oui, quelque chose. C'est pour ça que soit tu répètes, c'est pour ça que le travail est important, c'est parce que soit tu répètes 1 milliard de fois ce que tu vas dire, jusqu'à temps qu'on se dise, mais c'est tellement su, tellement pas pensé, tellement machin, que c'est naturel, et du coup, ça devient quelque chose, on a l'impression qu'il nous parle. Le stand-up est un peu ce genre de discipline. Le stand-up est quelque chose de naturel que tu racontes comme si tu racontais des histoires à tes potes, que tu fais marrer, sauf que tu le travailles, sauf que tu l'as répété un milliard de fois. Mais ce qui fait que aussi un bon stand-upper est quelqu'un qui doit être le plus naturel possible, c'est-à-dire qu'on n'ait vraiment pas l'impression qu'il me dit quelque chose qu'il a déjà dit 150 fois. Et ça aussi, ouais, non, je suis d'accord. Après, au niveau de l'impro, moi, je parlais vraiment du bénéfice de filmer une impro. Ah oui, bien sûr. Juste par rapport au fait de pouvoir. Juste par rapport au fait de pouvoir la partager. Parce qu'après, je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu la remets dans un spectacle, après, tu n'auras jamais la même fraîcheur et ça n'aura jamais la même réaction du public. Bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, tu peux tomber sur un petit truc que tu tiens. Je n'avais pas pensé à dire ça, je vais le dire. Pour moi, ce n'est pas vraiment une impro. C'est rajouter quelque chose en impro dans ton texte. Oui, non, ça c'est autre chose. Non, moi je parle d'une réaction, tu vois, réagir à quelque chose qui s'est passé dans la salle. Et là, du coup, c'est tellement magique que tu te dis, je pourrais pas le réutiliser. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Par contre, si je le mets pas sur internet, je perds quelque chose. Donc tu le balances. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est plus pour le côté, promo, tu vois. Et voilà, tu marques comme quoi c'est une impro pour pas que les gens s'attendent à voir cette vanne là dans ton spectacle. Mais voilà, tu vois, c'est Kayron surtout qui fait ça. Oui, mais lui, il fait que beaucoup d'impro. C'est quasiment son spectacle. Voilà. Son résumé de spectacle, c'est je sais pas ce que je vais raconter, donc venez un peu comme ça. C'est ça. T'as lui et t'as Sugar Sammy, ils se filment à chaque fois et à chaque fois ils vont balancer des vidéos sur internet avec une impro. On sait que c'est de l'impro, donc sur le moment et tout. C'est Sugar Sammy, je suis pas sûr que ça soit. Enfin, j'ai toujours un peu un doute de l'impro. Pour moi, c'est plus. En fait, si tu veux, pour moi, il a écrit beaucoup de réponses pour moi. Bah, les deux en fait fonctionnent comme ça. Si tu veux, leur spectacle est basé sur l'impro, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux gens dans quoi vous travaillez, vous êtes en couple et tout machin. Et selon les réponses, évidemment, si ça fait 40 fois que quelqu'un leur dit je travaille en tant que comptable, ils ont des blagues sur les comptables. Tu vois, c'est normal. Ce sont les fameux tiroirs, genre ah, comptable, attends, j'ouvre le tiroir comptable, hop, je sors la blague. Ah, tu travailles dans quoi toi? T'es esthéticienne, le tiroir esthéticienne. Ça, oui, je suis d'accord. Mais de temps en temps, tu sais, c'est de la fausse impro, je suis totalement d'accord avec toi. Mmh. En fait, ce sont des impros qui étaient vrais au départ et qui ont suivi. Exactement, qui ont gardé. Mais ça, souvent, l'impro vient de là. Hein. C'est souvent ça. Mais des fois, ils ont des trucs qu'ils n'ont jamais eu et ça devient insolite, en fait. Et là, en l'occurrence, là, ça devient des vrais impros et ils les balancent sur Internet. Oui, bien sûr. Ah oui, mais ça, en vrai, ça, c'est juste se familiariser avec l'impro. Une fois que ça, c'est que tu arrives à te familiariser avec l'impro. C'est des choses que tu que voilà que t'auras des si tu filmes à chaque fois tu vas à un moment donné faire un truc qui va être cool et tu vas pouvoir le partager et ça c'est pour ça que c'est intéressant aussi de se filmer Bah, de toute façon il faut toujours se filmer que tu le réutilises ou pas au moins tu as une trace de ce que tu as fait et tu peux te regarder ne serait-ce qu'une seule fois pour voir ah ben là j'ai bafouillé là il y a quelqu'un qui a fait un truc dans le public ça a dérangé les autres et c'est pour ça qu'ils ont pari ou voilà et puis au niveau du son parce que sur scène on n'a pas le même retour de son que dans la salle. C'est pour ça que c'est important de mettre la caméra avec le public. Parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, ta caméra, comme elle est placée, pas sur scène, mais dans le public, c'est comme si tu avais l'œil d'un spectateur présent. Bien sûr. Et puis souvent, ça m'est arrivé aussi, des fois, de dire j'avais un public moyen, fait chier, c'était dur. Ah, ça venait peut-être de moi, peut-être que ça venait de quelque chose, on ne sait pas, on s'en fout. Mais souvent, des fois, tu réécoutes la cassette, la vidéo, et tu te dis ça rigole bien, en fait. C'est moi qui me suis mis cette idée dans la tête. Tu vois, de dire à sa main. Et inversement, des fois, c'était super. Et en fait, tu réécoutes et tu dis, ah ben non, en fait, c'était pas si ouf que ça. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important de pouvoir regarder. Ça te jauge. Il ne faut pas non plus trop le faire. À un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de le faire parce que sinon, il faut aussi à un moment donné que tu sois, enfin que tout soit souvent pareil. Bah, c'est surtout, je pense, pendant les débuts quand tu construis ton spectacle. Exactement. Voilà. Évidemment, si tu joues ton spectacle depuis 5 ans et c'est le même et tout, te filmer va pas t'apporter grand chose, tu vois. Bah, écoute, merci beaucoup, Joe, pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Oui. Donc finalement, ce qu'on a envie de retenir de ce podcast, c'est vraiment retravailler. Dites-vous que le bide, c'est pas une fatalité, et surtout, soyez conscient que l'eau chaude, c'est pas un acquis. Ça peut partir à tout moment. Exactement. Ben, merci beaucoup, Joe. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Joe Brami, Instagram et Facebook. Je n'ai pas TikTok. D'accord. Ça me fait plaisir de ne pas l'avoir. Ouais. Et voilà, donc, une chaîne YouTube, peut-être? YouTube, non, parce que pour l'instant, non, mais peut-être qu'il y aura peut-être une série qui s'appelle Woosh qu'on est en train de développer, qu'on va balancer un peu partout, qui est avec plein de copains, les Yann Guillaume, les Patrick Chanfray, il y aura sûrement Edgar Rivounou, il y aura Alex Redo, il y aura Benjamin Tranier. Cette série va être cool, voilà, c'est des petits trucs d'une minute, deux minutes. Ok, ouais. Bah, écoute, je regarderai ça, je guetterai juste avant de balancer l'épisode, je regarderai, et si jamais c'est sorti, je mettrai le lien. Sinon, je mettrai que Facebook et Instagram. Plaisir partagé. Et franchement, c'était cool, hein, c'était un vrai plaisir. Et pour ma part, pour moi. Super, franchement, c'était très sympa et j'ai hâte de venir découvrir ton nouveau spectacle. Bah, c'est gentil, merci beaucoup, t'es bienvenue. Ah, avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Oui, je suis sur TikTok, moi, désolé. J'ai cédé à l'adolescence. Non, alors même pas. Non, alors vraiment, je fais de l'humour dessus. Hein. Je te rassure, faire de la dance. Tu me verras pas danser sur Savage Love. Hein. Je te rassure. Ouais, hein. C'est pas du tout ça. Non, je mets que des vannes et tout. J'essaye de faire des trucs marrants. Et puis, je m'éclate. Franchement, ça m'entretient. Oui. En fait, ça entretient le côté créatif. Pour moi, TikTok, c'est. C'est moi le vieux con. Hein. Je te rassure. Hein. Je passe aussi pour un gros has-been dessus. Mais je m'en fiche complètement. Tu vois, j'ai des gens qui me soutiennent. Moi, je m'éclate à le faire. Et puis, surtout. C'est parce qu'à l'époque j'ai connu Vine, tu vois, et donc là j'ai l'impression que c'est un Vine amélioré, tu vois, parce que Vine c'était 6 secondes et là celui-là voilà, tu peux mettre jusqu'à une minute, donc c'est quand même cool, ça travaille la créativité et tout, voilà quoi. Donc voilà, Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok, je le dis doucement. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous. Allez. Même là-bas.